Bonjour, ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Au nom des citoyens de Normandin, je suis très fier de féliciter M. Gilles Bouchard, un Normandinois d'origine, actuellement entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda, pour son magnifique travail. Je voudrais également le féliciter pour son titre d'entraîneur-chef et de directeur général de l'année de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Les citoyens de Normandin sont très fiers de M. Bouchard et nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite des choses. Merci. C'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand. Je vous dis tout de suite, la chronique de golf aura deux blocs. Dans un premier temps, on fait comme d'habitude, Michel Lallemand va venir nous parler de ce qui s'est passé cette semaine au club. Et dans un deuxième temps, j'ai rejoint hier à Calgary Pierre-Alexandre Bédard, où il dispute actuellement, où il est en préparation pour son tournoi. Mais dans un premier temps, on va parler avec Michel. Salut Michel! Oui, on va parler de Pierre-Alexandre dans quelques instants, mais je veux parler avant tout. Michel Tifaut, qui est mon collaborateur à CKJ, je collabore à la radio de CKJ, il mentionnait que tu as joué au baseball junior avec lui, puis tu as été des grosses années des Castors. Oui, oh, oui, dans les années 70. OK. Début 70, là. Ouais. J'ai fait trois ans partie des Castors de Dolbeau, puis trois ans partie des sportifs de Dolbeau dans la Ligue de baseball junior régional. Okay. Puis à notre dernière année, Michel Tifaut, qui a commencé sa carrière radiophonique à Dolbeau, ouais, on a joué ensemble avec les sportifs, effectivement. OK. Dans ces années-là, les Castors, c'était fort, là. Puis il y avait de l'intérêt. Si je me rappelle bien, il y avait des 8-900. Ben, je me rappelle pas, j'étais pas au monde. Sauf que je me suis fait raconter qu'il y avait des 8-900 personnes, 1000 personnes par match, là. Moi, je pense que tu peux multiplier par deux. Ah oui? Parce que les statistiques de notre plus grosse saison, on était deux. Dans mes années, okay, la première année, en 69-70, on a gagné le championnat de la Ligue, le championnat des séries. On est allé jusqu'en demi-finale provinciale. Puis la moyenne d'assistance à nos matchs à l'aréna de Lebeau était supérieure à 2000. Eh, mmh, monsieur. Et dans les séries éliminatoires, c'était complet, là, 2400, 2500 personnes. Hey, c'était à Dolbeau. Aujourd'hui, oui, tu as 200, oui, personnes aujourd'hui par match. C'est une bonne assistance. Il faut dire que c'est pareil partout. Là. Tout le hockey a changé. Ouais. Tout le sport a changé. Il y a des équipes dans la Ligue junior majeure du Québec qui ont de la misère à avoir ça, 2000 de moyenne. Fait que donc, c'était un autre monde. Là, complètement différent. Ouais, effectivement. Puis, faut dire que dans ce temps-là, il n'y avait pas de match de hockey à TV. Il y avait un match le samedi. Le Canadien était, oui, diffusé que le samedi à la soirée du hockey. Fait que veut pas, les gens, là, ils s'en allaient là-bas. Là. Ils s'en allaient dans les arénas. Le hockey mineur était plus couru, puis ainsi de suite. Là. Oui, puis il n'y avait pas de... Tu sais, la Union majeure du Québec, ouais, là, ça commençait. Il y avait les Remparts à Québec. Après ça, tu avais les Éperviers à Sorel. Mm. T'avais peut-être le 8 équipes maximum. Fait que le débouché était beaucoup plus difficile. Donc, dans les ligues inférieures, comme la Ligue junior Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un calibre qui était très, très, très relevé. Ouais. T'as des joueurs qui sont partis de la Ligue junior, puis qu'on a vu dans la Ligue américaine, puis dans la Ligue nationale, par rapport. Paul Ménard, entre autres. Hein? Paul Ménard, apparemment, qui était là. Ben, ouais, il était là au camp des Flames. De... Paul qui gardait avec moi, ouais, les deux années ensemble qu'on a joué, est allé à sa deuxième année avec les Maple Leafs à Verdun, est revenu à Dolbeau, puis l'année d'ensuite est allé avec les Cougars à Chicago, dans le début de la Ligue mondial de hockey. Et Jacques Demers, c'est vrai que Jacques, je ne reparlerai probablement plus parce que, bon, on connaît tout ce qui se passe avec Jacques, oui, actuellement. Jacques Demers avait coupé Paul Ménard, semble-t-il. Moi, j'ai ça par après. Là. Ben oui, c'était son, ouais, c'était son instructeur à première année des Cougars à Chicago. Effectivement. Bon, Pierre-Alexandre, on va parler de Pierre-Alexandre. Après la pause, on va lui parler, mais l'entrevue, je l'ai réalisée hier, entre autres. Il se préparait pour jouer son tournoi aujourd'hui. C'est un gros tournoi pour lui, hein? Oui, puis si je me fie à la fin de semaine qui est venu passer, ouais, à Chibougamau, là, il est prêt. Ouais. Parce que le vendredi, là, dans des températures exécrables. Il a roué un en bas du parc. Puis le lendemain, où ce que c'était un peu mieux, là, il a battu le record de terrain à Chibougamo avec moins 8, deux rondes de 32 pour 64. Peut dire que c'est toute une machine de golf, Pierre-Alexandre. Ouais. C'est vraiment beau à voir aller. Puis c'est une personnalité extraordinaire. Ouais, il me disait... D'ailleurs, il m'a confirmé qu'il va être de retour pour le Skins Game à Saint-Prime le 22 juillet. Effectivement, là, avec Kevin Fortin-Simard, ça va être très intéressant. Probablement l'un des meilleurs golfeurs, probablement les deux meilleurs golfeurs, en tout cas, depuis fort longtemps, qui ont sorti de la région. On va surveiller ça d'après, évidemment. C'est un gros tournoi. Il me confiait hier aussi que c'était son périple en Floride l'a aidé beaucoup. Hein. Oui, il a travaillé beaucoup. Son vœu court. Il a fait des grosses compétitions. Puis il a pu vraiment s'entraîner à tous les jours. Pas de problème de casse-tête de température. Donc, beaucoup frappé des balles. Jouer pratiquement 18 trous tous les jours, travailler sur les faiblesses de son jeu. Donc, il se sentait vraiment prêt pour le début de la saison. OK. Autre chose à Chibougamo? Chibougamo, en fin de semaine, le premier Coors Light vendredi après-midi. Ouais. Et la première qualification de la Coupe des Champions. Samedi matin. OK, on va surveiller ça de très, très près. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine, Michel? Ça fait pas mal le tour de la côté du golf de notre rencontre ce matin. Effectivement. Donc, restez là après la pause. Je vous passe l'entrevue que j'ai eue hier avec Pierre-Alexandre Bédard. Il était à Calgary en préparation de son tournoi. Vous connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de golf avec Pierre-Alexandre Bédard. Pierre-Alexandre qui a connu une belle année. Et question de savoir un peu comment que ça se passe. On le rejoint à Calgary où il dispute un gros tournoi. Salut Pierre-Alexandre. Salut. Pierre-Alexandre, quel tournoi t'es rendu d'avoir à Calgary? Cette semaine, c'est le Glencoe Invitational. Okay. C'est un tournoi qui représente 70 golfeurs par invitation. Il y a des golfeurs un petit peu des États-Unis, quand même beaucoup au travers du Canada. Okay. Mais c'est un des gros tournois au Canada durant l'été pour les amateurs comme moi. Puis, on va essayer l'année passée. J'étais venu jouer, donc c'est ma deuxième année présentement que je viens jouer ici. J'avais bien performé l'année passée avec une troisième position. Donc, cette année, j'aimerais bien ça ramener la victoire au Québec. Est-ce que c'est un tournoi compétitif? Est-ce que c'est un tournoi qu'il y a beaucoup de monde? Ben, comme je viens de te dire, il y a 70 joueurs environ. C'est vraiment des très, très bons joueurs. Là. C'est les meilleurs joueurs au Canada qui sont ici, avec quelques joueurs des États-Unis qui réussissent à se faire inviter. Avec les joueurs, c'est vraiment de qualité supérieure. Fait que, ça va tester mon niveau de jeu. Je vais pouvoir savoir ce que j'en suis rendu là, avec okay. Tout ça. Comment ça va cette année? Jusqu'à maintenant, tu as fait plusieurs tournois. Comment ça a été? J'ai passé une hiver, première des choses, ça a été bon, c'est là que je m'en ai rendu compte là, en début de saison que j'avais quand même une bonne game dans le corps. J'étais capable de performer dès le début de l'année, ce qui était quand même assez rare là, dans les années passées. J'avais de la misère tout le temps un petit peu à décoller mon début de saison. Okay. Cette année, j'ai joué le match play au Québec. J'ai perdu en finale du match play. Okay. Puis le lendemain, je suis allé me classer pour le Monday Qualifier, la qualif pour le RBC. Tournoi de la PGA. Fait que là, dans le fond, je me suis classé pour ça. Ils prenaient les 5 premiers sur 30. J'ai terminé 5e. Donc, je vais participer le 18 juillet à une qualification d'une journée. Les 4 ou 5 premiers sur 60. Environ 60 golfeurs vont passer pour jouer la semaine qui suit sur le tournoi de la PGA. Donc, tu t'approches vraiment, là, parce que tu t'approches vraiment du circuit de la PGA. Là. Est-ce que ça va être un peu les mêmes qualifications? Tu vas-tu passer un peu le même principe que Kevin il y a quelques années? J'imagine que oui, hein? Ben, ça marche plus nécessairement comme dans le temps, Kevin. Maintenant, les qualifs pour accéder à PGA. Il n'y a plus de qualification directe, là. On se veut passer par le web.com avant. Pour l'instant, c'est sûr, je suis encore amateur. Donc, mon cheminement, je prends mon temps. J'ai une belle cédule cet été avec quand même beaucoup de tournois. J'essaie de faire ça du mieux possible pour être capable de bien m'imposer, pour bien performer dans chacun des tournois. Mais c'est sûr que en août, je devrais tourner pro. Puis c'est là que je vais commencer là, vraiment à faire des qualifications. Là, je poussais pour le PGA Tour Canada pour commencer, puis ensuite le web.com. Okay. Fait que, au mois d'août, je vais commencer ça un peu plus sérieux pour être. OK. T'as compétitionné avec Dave Levesque il y a quelques semaines? Dave Levesque, le meilleur golfeur, probablement avec Kevin du Québec. Exact. On a eu un tournoi à Baconfield. Okay. Le Spring Open, c'est un tournoi qui regroupe les meilleurs amateurs professionnels au Québec. On jouait sur le même groupe avec Jérôme Blais. Malheureusement, le tournoi il a seulement compté comme un 9 trous parce qu'en raison des orages, la mauvaise température tout au long de la journée. Donc notre score, on était rendu nous autres au trou numéro 13 et puis la journée a été annulée, mais ça a été une belle journée puis une belle expérience pour moi quand même de jouer avec un bon golfeur comme ça. On va probablement se retrouver là fin août là. On va peut-être avoir la chance de rejouer avec lui dans des tournois professionnels. Mais c'est quelque chose, ça a été vraiment le fun. Puis, un bon golfeur. T'apprends beaucoup, hein, à compétitionner avec des Dave Levesque, des Kevin Fortin-Simard. Est-ce que t'apprends à un autre niveau, sûrement? C'est sûr que c'est important quand même d'aller jouer avec ces gars-là. Cet hiver, j'avais passé mon hiver avec Marc-Étienne Duchère aussi, puis Marc Gilbert. Qui sont deux très très bons golfeurs parmi le Québec, puis qui excellent à l'extérieur. Donc ça m'a permis de m'améliorer, c'est sûr, d'apprendre avec eux autres, de les voir jouer, de voir comment ce qui fonctionne un petit peu. Puis je me sers de ça, là, puis ça rentre dans mon bagage. Puis j'essaie de me servir un petit peu des autres pour sauver des années d'expérience un petit peu, là, dans le fond. C'est ça le but. Okay. Si on parlait maintenant de financement, on sait que ton père travaille beaucoup sur le financement, parce que c'est pas facile. Comment ça va de ce côté-là? C'est sûr que je suis encore en recherche de financement. Je me suis associé au club de golf de Cap-Rouge cet été. OK. Donc cet été, je représente le terrain de golf de Cap-Rouge. Eux autres, ils m'ont donné mon membership. Donc c'est sûr qu'on a eu une petite entente avec eux. J'ai encore un monsieur qui m'aide beaucoup à Québec. Avec un logement fourni. Puis là, dans le fond, les prochaines étapes, là, ça va être trouver quelqu'un qui va être capable de m'aider plus financièrement à côté de dépenses de tournoi, d'inscription, de voyagement, etc. Ouais. C'est sûr que quand je vais tourner pro, c'est sûr que je pense que ça va être plus facile pour moi de réussir à trouver des gens qui. Pas facile aussi dans ce milieu-là, hein. Je veux dire. Dans le monde des affaires où ça va pas bien, le monde forestier, c'est pas facile de trouver du financement, j'imagine, en tout cas. C'est sûr. Mais moi, je continue de bien performer, de travailler fort. Puis on sait jamais, à force de faire des bonnes performances, je vais rencontrer des gens, il y a des portes qui vont s'ouvrir, puis ça m'inquiète pas de ce côté-là. Pierre-Alexandre, maintenant qu'on est redémarré, j'espère pour de bon, on va te commencer à te suivre tout au long de la saison. Excellent. Le golfeur de Chibougamau, Pierre-Alexandre Bédard.